pour les miens. C'est mon outro. C'est mon outro. J'arrive pas à écrire autre chose. Les miens, ma cause. De lutter, m'en sortir et pour cause. Mes phases, ma prose. J'éprouve ces mal-être depuis tout petit. On me comprend pas, alors obligé. On s'adoucira, s'adouira si. M'envole au sommet, comme un ailé, guébré c'est l'acier. C'est mes cases dédiées. Ma famille, papa, maman, Julie, la grande aussi, sans oublier ma super mamie, ma puce Frankie et sa famille, mon petit Mookie, mon frère de sang-père, Colt, virus ma gueule, XPERT, Casbah, ouais mon gros, mon GG, Riton, Seb, Ril, Nico et tout le LPP, garçon, Météo et tous mes ex-potes de galère, y'a beaucoup de buts quand même. Pour tous les petits gars de France, surtout Bellevue, Kéréderm, Pontal, Valir, de 9-200 ma gueule. Jai Bob Prod, ouais mon pote. Alifsi de Desro, Aelo, Eo, Baron Uno, tous les marchands de bon once ou de bon vonce. La sauce Priam et Simon, 2006, sans rancune mon cousin. J'arrive pas à écrire autre chose, les miens ma cause. De lutter, de m'en sortir et pour cause. Mes phases, ma prose, j'éprouve ce mal-être depuis tout petit. On comprend pas, alors obligé on s'adoucira. S'adouira si j'envole au sommet comme Haile Gebrselassie. C'est mon outro, Baron Uno 2006, de G-Prod, Baron Prod. Iwan et quel baron, et quel nocif.